chers amateurs de rock progressif, pour ce 157e rendez-vous hebdomadaire de Rock de Neuronde sur les ondes de C'est fou et le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche en complicité avec Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous avons beaucoup de nouveautés. Et on fera un beau tour d'horizon de plusieurs pays. Et on va débuter avec Oak de Norvège, Chiave di Volta d'Italie, Baroque Project d'Italie, Nova Collective des États-Unis, Steve Hackett d'Angleterre, Holon de Norvège, Kalin Tonev de Bulgarie. C'est pas fréquent qu'on a des groupes de Bulgarie. Alors, ça va être intéressant à écouter. On aura aussi une nouveauté de Arion des Pays-Bas, une nouveauté aussi de Jean-Pierre Louveton de France, Ali Ferguson d'Angleterre. On a aussi un nouvel album des Espagnols Kent, Freud, Kafka. Et on va conclure l'émission avec Carp Tree de Suède, encore une fois avec une nouveauté. Alors, pour le premier bloc de l'émission, mais on va consacrer le bloc en entier à la formation norvégienne Oak. Oak qui a un album à son actif qui est paru en fait sous format digital en 2013. Et probablement à l'époque, plusieurs petits paquets de CD qui ont été distribués lors des spectacles. Mais après un succès d'estime, ils ont décidé de produire et de distribuer l'album CD. Alors, on aura 4 extraits de cet album-là. Donc, pour vous, Oak de Norvège. The smell of grass and all those stars above. The house once vibrant from your mother's love. And I sense the dark side seems to remember. Change is notable, but not as great as you expected and you wish to say. The feeling of your soul escaping from the cold. I wonder if you left it on the second floor. Turn me to another town. Know your dreams are just like Ice underwater. tale of how we tear it apart. What we remember when our souls depart, like frail debris from a salty sea. A cursed man and his begging eyes, kept awake by the fireflies, watching over you. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Bon, alors avant de débuter le deuxième bloc, on va passer en revue ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Oak, la formation norvégienne, avec quatre extraits du seul album qui est paru en 2013. L'album s'intitule Lighthouse. Alors pour le deuxième bloc, on va aller du côté de l'Italie avec la formation Chiave di Volta. C'est une formation qui a eu une vie assez courte. En fait, ils ont produit un seul album en 2004. L'album s'intitule Ritratto Libero et on va entendre un extrait. Ça va être suivi aussi d'un extrait du nouvel album de Baroque Project. L'album s'intitule Detachment, ça vient de sortir. On en a fait jouer la semaine dernière et on reprend ça cette semaine avec l'extrait Happy to See You. Et on va conclure le bloc avec Nova Collective. C'est un regroupement de musiciens qui vient autant des États-Unis que d'Angleterre. Il y a deux membres connus de la formation Haken qui sont collaborateurs là-dessus. Alors, l'album, c'est The Further Side par Nova Collective. Alors, on débute ça avec Chiave di Volta. Thank you. happiness was taken from me many years ago. There was always something missing and the truth I had to know. I have waited for a light and for the day that you would show. Happy just to see you, I was happy to see you. Many years I travel in my search for honesty. The answer to the questions and the emptiness in me. Never calling out the knowledge and your truth would set me free. Happy just to see you, I was happy to see you. The quest became obsession to escape my tortured past. waiting, all was there for us to take. We could heal the wounds of time with new bones that wouldn't break. How could I have known your weakness and the depth of my mistake? Happy just to see you, I was happy to see you. Now I see the treachery, the cowardice in your eyes. All the time and tears I'm wasting on your failings and your lies. All I had was an illusion, now I watch it as it dies. I'm not happy to see you, I'm not happy to see you. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, nous sommes au début du troisième bloc de l'émission Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé avant la pause, avant de débuter ce troisième bloc. Alors, on a eu la formation, c'est un mix de Britanniques et d'Américains, Nova Collective. C'est leur premier album, The Further Side, et on a entendu la pièce titre. Ça a été précédé de Baroque Project d'Italie et la pièce Happy to See You. Et ça, c'est extrait de Detachment, qui vient tout juste de paraître. Et en début de bloc, nous avions la formation italienne Chiave di Volta avec la pièce Involuzioni Rapide. Et ça, c'est extrait de Ritratto Libero, paru en 2005. Ça constitue le seul album de la formation à date. Alors, pour débuter le troisième bloc, nous avons Steve Hackett avec un extrait de son nouvel album, The Night Siren. C'est probablement le 25e ou 26e album là, depuis le fameux voyage des acolytes qu'on a connu en 1975. Et depuis ce temps-là, ben, la production est assez inégale. Et par contre, ce qui s'est fait de récent, comme Wolf Light et aussi les Genesis Revisited, là, ça a été excellent. Alors, dans la continuité de Wolf Light, on a The Night Siren et on va entendre la pièce In the Skeleton Gallery. On va poursuivre avec Holon, une formation de Norvège, et un extrait de leur seul album qui est paru à date. L'album s'intitule Always Now. Et on aura une nouveauté de la Bulgarie, Kalin Tonev. Kalin Tonev qui... Kalin Tonev qui est bulgare, comme je le mentionnais, et il vient de faire paraître son premier album studio, Machine Years, et on va entendre The Mad Dancer. Et en fin de bloc, on a aussi une nouveauté du Pays-Bas. En fait, c'est Arion avec leur 10e album studio, un album double, The Source. C'est un album qui a permis à une vingtaine, en fait, 22 ou 23 collaborateurs de s'attaquer à cette œuvre-là. C'est un album double, comme je mentionnais, et on a beaucoup de... C'est dans le symphonique metal, bien entendu, et on a des musiciens chevronnés, comme en fait le chanteur James Labrie de Dream Theater, bien entendu. On a aussi des musiciens de Epica, Nightwish, Camelot, The Aristocrats. Alors, c'est un amalgame assez intéressant de musiciens, encore une fois, dans le live, c'est-à-dire dans le symphonique metal. Et on va entendre la pièce Condemned to Live. Alors, on débute ça avec Steve Hackett. When I was young, up in the stars, a spaceship out the back, footprints on Mars. Mm-hmm. forest we dance and we sing. We're the creatures untamed by a king. We follow nature and nature provides. We want to adhere to those holy lives. To the city we came to feed, seeking knowledge of understanding our own portrayal, the rules that govern where we set sail. Life to live it rightfully. Substitutes that felt good at first. We got blinded by the light ahead, seeing contours and shadows instead. We forgot what we're searching for, slowly drifting to find a shore. Bring balance. it's all slowly sinking in. I left behind a hopeless race to fight a war they cannot win. My petty life, it seems so trivial. The whole world is about to die. If all those billions fade away, then who am I to stay alive? Condemned to live, doomed to leave my world to die. The guilt weighs heavy on my mind. Trapped in this void, deprived of dignity and joy. Their secret hopes and dreams destroyed. We'll be right back. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission avec, pour débuter, Jean-Pierre Louveton, une nouveauté avec son nouvel album Le Livre Blanc. Et on va entendre la pièce titre. Et ça va être suivi par Ali Ferguson, qui est un guitariste britannique dont on connaît deux albums. Le premier qui est paru en 2011 et le plus récent, A Sequence of Moments. On va entendre un extrait aussi. Et on a une nouveauté du côté de l'Espagne avec Kent Freud Kafka. Ils viennent de faire paraître leur deuxième album Onirico. Et on va entendre Vida y Muerte. Et une autre nouveauté du côté de la Suède, j'ai nommé Carptree. Carptree qui vient de faire paraître leur sixième album Emerger. Et on va entendre la pièce... J'ai une petite seconde, on va entendre la pièce Porous. Alors, on débute ça avec Jean-Pierre Louveton. Thank you. Shoes of white. Beyond the borders Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation suédoise Carptree avec la pièce Porous, et ça, c'est extrait de Emerger, leur plus récent album qui est paru il y a quelques jours. Et auparavant, nous avions d'Espagne Ken Freud Kafka, qui ont fait paraître aussi cette semaine leur deuxième album Onirico. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Vida y Muerte. Et auparavant, nous avions Ali Ferguson d'Angleterre et la pièce Out of the Dark. Et ça, c'est extrait de A Sequence of Moments. Ça, c'est paru en 2016. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté de Jean-Pierre Louveton, la pièce titre de l'album Le Livre Blanc. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 157e émission hebdomadaire de Rock de Neurones. Et ça termine aussi la saison 2016-2017. Et on se reverra en septembre de façon assez certaine. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et mercredi prochain de 11h à 13h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper la Rock de Neurones dans la barre de recherche pour y accéder. Et si cet été vous prend un petit brin de nostalgie, ben vous pouvez consulter, en fait, retourner sur les émissions archivées. Et pour ça, vous avez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et là, vous allez trouver le lien pour avoir accès aux émissions archivées. Et de plus, si vous voulez connaître les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission et surtout sur les émissions archivées, bien, vous avez aussi à consulter la page Rock de Neurones de Facebook. Et puis comme je vous disais, ça me fait à l'émission, et c'est Jimmy Farley qui vous souhaite un bel été et qui vous invite à nous revenir la prochaine saison en septembre sur les ondes du C'est fou FM 89.1